Psaume 112. Louez l'Éternel. Aleph, bienheureux est l'homme qui craint l'Éternel, Bet, et qui prend un singulier plaisir en ses commandements. Guimel, sa postérité sera puissante en la terre, Dalet, la génération des hommes droits sera bénie. Il y aura des biens et des richesses en sa maison, Vaux, et sa justice demeure à perpétuité. Zayn, la lumière s'est levée dans les ténèbres à ceux qui sont justes, Et, il est pitoyable, miséricordieux et charitable. Tête, l'homme de bien fait des aumônes, et prête, Jo, il dispense ses affaires avec droiture. Caf, même il ne sera jamais ébranlé la Mède, le juste sera en mémoire perpétuelle. Même, il n'aura peur d'aucun mauvais rapport, Nain, son cœur est ferme, s'assurant en l'Éternel. Sa mèche, son cœur est bien appuyé, il ne craindra point, à jeun, jusqu'à ce qu'il ait vu en ses adversaires ce qu'il désire. P.E., il a répandu, il a donné aux pauvres, cède, sa justice demeure à perpétuité, Kof, sa corne sera élevée en gloire. Resh, le méchant le verra, et en aura du dépit, Saint, il grincera les dents, et se fondra, Tô, le désir des méchants périra.